Star ou Psy de Cassiopée, livre 3. Satellite. Chapitre 1er. Tassule. 1. Un jet robuste et long marche ascensionnel vers l'abîme des cieux, emportant Ramzuel. 2. Une fois dégagé des vapeurs de l'atmosphère, les abars, qui portaient les derniers des Nemcèdes et les uniques rejetons de la race humaine, virent leur ascension prendre une rapidité inconnue. Ramzuel monte, s'éloigne avec la vitesse d'une bombe pointée contre le zénith. Bientôt il a gagné des régions assez distantes de Star pour que la planète, d'un aspect déjà phosphorescent, paraissent aux voyageurs éthériens embrassés dans l'éloignement le dessous des cieux. Il monte encore, et la phosphorescence devient une véritable clarté lunaire. Il monte, et la Terre n'est plus, de ce côté du ciel, qu'un disque immense qui effraie l'œil de sa masse énorme. Ramzuel s'éloigne encore, mais enfin, plein d'angoisse et d'incertitude, il s'arrêta un moment dans l'espace. Or, en ce moment même, en regardant autour d'eux, Ramzuel et les Nemcèdes furent épouvantés du morne silence des cieux et de la solitude incommensurable pleine de lumière et de vide. Où allait-il se diriger? Au sein de quelle terre allait-il se réfugier? Les astres étaient encore si loin. C'est alors que le disque frais et souriant de Tassule vint à leur apparaître. Après un moment de réflexion, ils se décidèrent à diriger leur marche vers ce satellite qui, dans l'espace, est le plus rapproché de Star. Mais, malgré la force de progression infinie que les abars possédaient, ils errèrent longtemps à la poursuite de Tassule, qui fuyait devant eux en accomplissant son mouvement de rotation autour de Star. Ramzuel, découragé, s'arrêta alors, n'osant plus retourner sur ses pas, ni avancer plus avant dans les mers du vide. C'est pourquoi, au moyen d'une manœuvre particulière qui avait pour but d'équilibrer pour ses abars les forces attractives et centrifuges, il leur fit garder, dans ce point de l'espace, l'immobilité vraie et absolue. Et les Stariens, désespérés et anxieux, regardaient autour d'eux parmi les disques épars au ciel, implorant et convoitant un monde, une terre, moins que cela, un débris de planète ou un astéroïde pour y respirer un instant. 3. De 1000 astres groupés, les saints se précipitent. Les soleils tournoyants tombent dans leur orbite. Et tous, rapides, effrénés, de leurs regards de feu contemplent étonnés, Ramzuel immobile, accroché dans l'espace. Sous lui, par-dessus lui, l'univers entier passe. Seul l'exilé de Star s'arrête au firmament, comme un atome, aux cieux, saisi par le néant. 4. De la terre de Star, la race détrônée, à périr dans les terres se croyait condamnée. Solitude et silence, et rien, rien autour d'eux, que l'incommensurable et l'infini des cieux. Abîmés dans les flots d'une froide lumière, les derniers des Stariens, pour leur tombe dernière, allaient avoir le vide et l'espace éternel. L'homme allait finir là. Cependant Ramzuel aperçoit, s'élevant dans les bas-fonds du ciel, un astre chatoyant. Au bonheur, au vertige, la planète s'avance et vers eux se dirige. Bientôt, de la raison invoquant le calcul, dans cet astre sauveur il reconnaît Tassule, qui, terminant pour eux sa course circulaire, venait lui-même offrir sa terre hospitalière. 5. En effet, Ce satellite, après lequel Ramzuel avait couru, avait une rapidité impossible. Ayant achevé sa révolution autour de Star, revenait prendre les Stariens à ce point de l'espace où il s'était arrêté, désespérant de l'atteindre. Ramzuel se plaça précisément dans la ligne par où devait passer Tassul, et il se trouva bientôt aux limites extrêmes de l'atmosphère de cette terre bienvenue. Une fois engagé dans l'air ambiant du satellite, il manœuvra de manière à voyager quelque temps à sa surface et choisit pour son débarquement une plage isolée. Ce fut au sommet d'une montagne que les Stariens prirent terre. Enfin, ils avaient retrouvé une autre patrie. Mais, hélas, leurs cœurs épanouis par l'espérance se serrèrent aussitôt qu'ils eurent promené leurs regards sur ces terres étranges. La physionomie de Tassul à la surface du sol avait aussi ses beautés, mais ses aspects étaient tout différents des aspects de la terre où ils étaient nés. Ce n'étaient plus les objets que les yeux avaient coutume de voir. Ils étaient bien exilés dans un monde nouveau. En descendant de la colline où ils avaient opéré leur débarquement, ils trouvèrent des campagnes où la végétation, comparée à celle de Star, leur sembla un peu rabougrie. La teinte des champs et des bois couverts de feuillage était assez uniformément blanchâtre, ou se dégradait du blanc au gris, comme si, dans un paysage de Star, la campagne eût été saupoudrée de givre. Cependant, sur cette nature blanche et cendrée, des fruits et des fleurs aux couleurs vives faisaient étinceler leurs pointillés rouges, jaunes et bleus. Et puis, ce qui frappa par-dessus tous les Stariens d'étonnement et d'admiration, ce fut la multitude d'oiseaux, aux couleurs pareilles à celles des fleurs, et qui, par troupes disséminées et innombrables, se montraient suspendus en grappes au milieu du feuillage blanc ou voltigeant pêle-mêle parmi les fleurs et les fruits. Ces bandes chatoyantes et omnicolores donnaient l'animation la plus fantastique aux champs de cette terre, où l'on ne pouvait faire un pas sans voir jaillir devant soi, comme des milliers d'étincelles, de jolis oiseaux dorés, violets, rouges ou verts, qui sillonnaient le ciel ou agitaient le feuillage en poussant des chants harmonieux. Si le nombre des oiseaux parut prodigieux aux Stariens, celui des autres animaux leur sembla considérablement diminué, car ils n'en virent, çà et là, que quelques rares individus. Après le premier coup d'œil donné à l'inspection du globe hospitalier, la troupe venue de Star leva instinctivement les yeux vers la terre, objet de regrets et d'amour. À ce moment, et pour le lieu d'où ils observaient, l'horizon de Tassul, le premier satellite de Star, était occupé en partie par cette grande planète qui, comme une lune démesurée, y embrassait une zone considérable. 6. Alors, son orbe immense au-dessus de leur front étendait dans l'azur sa puissante auréole et posait sur le ciel un scintillant plafond pour sa gigantesque coupole. Tous les feux des soleils épars au firmament, réfléchis sur ce disque en traçant leurs empreintes capricieusement, y faisaient miroiter ombres, rayons et teintes. À l'éclat de cet astre orné du coloris, des reflets les plus chauds et des tons de lyrie, l'œil eût cru rencontrer la palette d'artiste de l'ange qui, des cieux divins paysagistes, peindrait les mondes infinis sur les fresques du paradis. 7. Outre les trois Nemcèdes, la famille starienne se composait, comme nous l'avons dit, de Ramzuel, de ses quatre enfants, de sa femme Corillis et de la sœur de celle-ci, nommée Essula. La troupe voyageuse, après avoir déposé les abars en lieu sûr, s'avança avec précaution pour chercher quelques traces du passage de l'homme sur ce globe. Leurs recherches ne durèrent pas longtemps. car, après quelques heures de marche, ils découvrirent dans le lointain les édifices d'une ville bâtie au bord d'un lac. Ils s'approchèrent, frissonnant d'inquiétude. Les premiers Tassuliens qui les aperçurent, étrangement surpris de l'étrangeté de leur personne, firent rassembler tout le peuple autour d'eux. Ramzuel et Mundaltor, au moyen d'une pantomime expressive et suppliante, racontèrent leur malheur en montrant le berceau de leur origine. Les différences physiques d'organisation qui les distinguaient démesurément des hommes de Tassul firent recroire facilement à leurs aventures. Les Tassuliens, bons et hospitaliers, les secoururent d'abord, et ensuite leur attribuèrent des terres sur un continent fertile, quoique presque désert. Ce continent était situé sur la face de ce globe qui regardait perpétuellement la terre starienne en gravitant autour d'elle. Ce fut là que Ramzuel établit sa famille dans l'espoir d'y commencer la régénération de la race starienne. Et Sulla, sœur de Corélis, était destinée à vivre dans le célibat. Mais c'est Elevelt le Longévite ayant fait comprendre à l'épouse de Ramzuel le dommage que la stérilité de sa sœur causerait à sa famille, qui avait besoin de produire pour réparer le sang starien dont les sources menaçaient de se tarir, Corélis vint prier elle-même Ramzuel de prendre Essula pour seconde femme. C'est pourquoi le nombre des enfants de Ramzuel devint très grand. 8. Disons maintenant quelle était cette race humaine de Tassul, avec qui les Stariens vont vivre désormais. Ramzuel et les Longévites, ses amis, ignorant du langage et des mœurs de ces peuples, crurent pendant quelque temps que les femmes étaient soigneusement gardées dans l'intérieur des habitations, ou que la coutume leur faisait une loi de ne pas se montrer en public. Mais leur surprise fut grande quand ils découvrirent que les individus avec lesquels ils entretenaient des relations n'avaient point de femmes, mais qu'ils possédaient eux-mêmes les deux sexes, en un mot, qu'ils étaient hermaphrodites. Les Tassuliens, pourvus des organes propres à l'homme et à la femme, ne devaient pas même, pour les besoins de la génération, contracter un rapprochement avec un individu de leur espèce. Seuls, et par leurs facultés propres, ils étaient aptes à engendrer et à donner l'être. Leur costume était uniformément une sorte de toge, amplement drapée sur leurs épaules. Les Tassuliens, robustes et grands pour la plupart, ignoraient le luxe et pratiquaient socialement l'égalité la plus absolue. Si l'amour des sexes était chose inconnue et impossible à ces peuples, on dit qu'ils trouvaient en eux-mêmes des sources très vives de félicité naturelle. Qui peut comprendre, d'ailleurs, les douceurs de l'amour solitaire, de l'amour de soi, amour toujours fidèle, sans jalousie, sans regret? Cependant, le sentiment le plus absolu, la passion la plus constante du caractère des Tassuliens, et sans contredit, la passion de la paternité. L'amour paternel est la vie et le bonheur de cette race. Et comment n'en serait-il pas ainsi? Exempt des soucis de l'amour conjugal, tous les besoins du cœur trouvent à s'épancher sur leurs enfants. Jamais, comme chez l'homme mâle, un doute rongeur ne vient troubler sa quiétude de père. Mais, de plus, son enfant est engendré de son sang. Il est de sa chair à lui seul. Il a vécu dans ses entrailles et n'a point été porté et allaité par une femme devenue indifférente ou odieuse. Chez une race humaine pourvue des deux sexes, l'enfant, tout entier à la femme, ne tient à son père que par un lien infiniment fragile, que le doute brise quelquefois à ses yeux comme aux yeux du monde. Combien de pères, ayant le besoin de la paternité profond et nécessaire, ont regretté de n'être pas, comme les femmes, liées plus complètement à la procréation d'un individu de leur sang. Grande, très grande est la sollicitude du Tassulien pour ses enfants, et cette sollicitude n'est égalée que par le respect et l'attachement des enfants pour l'unique auteur de leur jour. La famille, basée sur l'amour paternel et le dévouement filial, est fortement établie chez les Tassuliens. Comme le mariage ne saurait exister, les enfants ne quittent jamais leur père pour suivre un étranger. Et le patriarche meurt, entouré de sa lignée, dont les regrets le suivent, même au-delà du tombeau. Dans cette société, malheur ou stérile, condamnés à passer une vie de solitude sans espérance pour leur besoin d'aimer. Aussi, presque tous les Tassuliens à qui la nature a refusé le don de la paternité recourent de bonne heure au suicide. Une particularité de l'organisation physique de cette race lui en fournit un moyen d'une extrême commodité. Les Tassuliens ont le cœur placé sous l'influence de la volonté, et un effort vigoureux de cette volonté peut en arrêter les battements. La volonté de mourir suffit pour les tuer. Les nombreux genres d'oiseaux qu'on rencontre à Tassul sont presque tous pourvus des deux sexes. Les animaux mammifères, pour la plupart hermaphrodites, n'y sont qu'en petit nombre. L'animal le plus commun de ce globe est une sorte de reptile appelé boule et qui, comme son nom l'indique, a la forme d'une boule de chair d'un blanc livide sans apparence de membres ou d'appendices extérieurs. Ce reptile, qui vit d'herbes sèches et qui marche ou plutôt se roule à terre en imprimant des contractions musculaires à sa peau, inspira longtemps du dégoût aux stariens, qui ne pouvait voir sans effroi cette masse charnue, grosse comme une tête d'homme, avec sa fente buccale surmontée de deux trous, au fond desquels brillaient deux yeux toujours fixes, sans mouvement, sans paupières. 9. Dans ces champs, que tapisse une herbe fine et blanche, se presse la tribu des fils de Ramzuel. Le père est avec eux. Sa vieillesse se penche et s'appuie en tremblant au bras de Cosmaël. Les enfants sont rangés autour du vieil Abar qui sauva leurs parents du meurtre universel. À la mort qu'il pressent, Ramzuel se prépare. Tous ont reçu de lui le baiser paternel. Il monte sur la barre, il y reprend sa place et prononce ces mots d'un accent solennel. J'ai voulu que la barre où j'ai vaincu l'espace soit mon dernier abri, mon tombeau dans le ciel. Mais au hasard du vide, avant qu'il ne s'envole, de votre père à tous, voici l'ordre immortel. Humain, retenez bien ma dernière parole, que toujours et partout ce mot sacramentel, par le père à son fils répété dans les âges, soit le grand souvenir, testament éternel à ses enfants dicté par le premier des sages. 10. Respect à mon sang. 11. Tous écoutent encore, et déjà Ramzuel, des chants de l'infini, sillonnait les espaces. Les yeux des stariens veulent fixer ses traces, mais la barre au hasard roule ascensionnelle. Les derniers qui l'ont vu, sous des horizons vagues, d'un éther azuré planer au fond des vagues, rapporte que la barre, égarée dans le ciel, alla se perdre enfin au sein de Ruliel. 12. À la mort de Ramzuel, ses enfants et ses petits-enfants étaient déjà au nombre de plusieurs centaines. Les arts et les lettres avaient été conservés florissants, grâce aux trois Nemcèdes qui, gardiens de toute science, s'étaient fait les précepteurs des enfants de Ramzuel et avaient distribué les professions selon les aptitudes individuelles. Sous un gouvernement fraternel, Les Stariens vécurent pendant une période de 4 siècles, multipliant de telle façon que leur nombre dépassa bientôt celui de la race humaine de Tassul. Quoique vaguement attristés par la tradition des souvenirs de la terre perdue, les Stariens s'étaient accoutumés à regarder comme la patrie, désormais fixe et inaliénable de leur race, cette autre terre de Tassul, avec ses végétaux rapetissés et sa nature grisâtre, à peine égayée par ses essaims d'oiseaux riches. Ils considéraient, comme le seul aspect, comme le champ unique donné à leur regard, la vue de ce ciel toujours occupé dans sa plus grande partie par une lune immense qui les éclairait en leur renvoyant une lumière fantasmagorique mais devenue terne et blafarde. Quelques années se passèrent encore, mais au bout de ce temps, on s'aperçut que les Tassuliens et les Stariens, ayant envahi tous les coins de cette terre malingre, ces deux races allaient étouffer sur un globe trop étroit et incapable de nourrir toute sa population. Du côté des Stariens, un conseil des élus du peuple fut convoqué. Là, Cosmael, Seelvelt et Mundaltor calmèrent la douleur désespérée des Stariens en leur montrant des abares de grands modèles qu'ils venaient de faire terminer, et en leur promettant, à défaut de la terre starienne où ils n'osaient encore s'aventurer, un autre monde où le superflu de la population pourrait émigrer. Il fut donc décidé qu'une flottille d'abares, sous la conduite de Cosmael, se dirigerait dans un moment opportun vers Le Sûr, le satellite de Star immédiatement placé dans l'espace au-dessus de Tassul. Après une traversée où quelques abares dispersés furent obligés de retomber vers Tassul, 3 abares, commandés chacun par un des longévites, débarquèrent à Le Sûr les Stariens, au nombre de 150. Avant d'entrer dans la description de ce satellite, disons de suite que l'exploration première de ce globe, d'un volume double de celui de Tassul, suffit pour décider les Stariens à y former des établissements, et que, sur l'avis qui leur en fut donné, plusieurs centaines de familles stariennes de Tassul s'y transportèrent successivement. Chapitre 2. Le Sûr. 1. Lorsque les navigateurs éthériens, guidés par Cosmael, abordèrent à Le Sûr, leur étonnement fut au comble. Ils sortaient du vide de l'éther, dont le fond est d'un noir transparent, et commençaient à nager dans l'air atmosphérique qui enveloppe Le Sûr. Ils se hâtent de laisser arriver cet air nouveau et pur dans l'intérieur des abares pour respirer à pleine poitrine. Aussitôt, leur odorat est délicieusement affecté par l'impression d'une molle senteur. Ils prirent terre, délectés et ravis, et ne s'habituèrent peu à peu à ces odeurs que pour en humer plus voluptueusement les nuances, différentes selon la brise qui agite les ondes de cet air embaumé. À Le Sûr, l'aquilon et le zéphyr ont des parfums divers, mais rien n'égale les sensations de suave félicité où vous jettent quelquefois les odeurs enchantées et caressantes des brises du soir ou du crépuscule incomplet de ces mondes. Ces brises presque toujours provoquent une placide ivresse et appellent un sommeil plein d'une délectable quiétude. Cette atmosphère odorante, cet air qui couvre la surface de Le Sûr, au lieu de colorer le ciel en bleu, comme dans Star ou Tassul, teint en jaune doré ses transparentes profondeurs, et sa limpidité même n'éternit que rarement par des nuages d'un blanc d'argent. Imaginez, sous ce ciel chaleureux, une terre perpétuellement parée d'une végétation, d'une verdure souvent bleuâtre, mais aussi cachée le plus souvent sous des fleurs odorantes, sous d'innombrables fleurs, toutes de couleurs éclatantes, toutes exhalant des parfums d'un ton variable. Ces fleurs, petites aux herbes, sont démesurément puissantes aux arbres. Si Tassul était le pays des oiseaux, le Sûr, aux yeux des Stariens, fut celui des fleurs, et par-dessus tout, la terre enchanterait ceux des doux parfums. En traversant ce ciel doré, les soleils avaient un éclat plus chaud et plus ardent. Star, plus éloigné de ce satellite, ne surplombait plus de sa masse circulaire la moitié du ciel comme dans Tassul. Mais son disque, encore puissant, rappelait mélancoliquement aux Stariens les souvenirs traditionnels de la mère patrie. Avançons au milieu de cette verdure et de ces fleurs, éclairées par ce ciel doré et respirant cet air nuancé de parfums selon la direction des brises. Avançons, car nous voulons faire connaissance avec la race humaine du satellite, et nous venons d'apercevoir dans ces campagnes des hommes de Le Sûr, assis sous des ombrages fleuris. 2. Tout de grâce et de feu, l'habitant de Le Sûr parut aux Stariens l'emblème le plus pur de la forme exprimant la vie intelligente, l'esprit mouvant, la chair animée et pensante. La vie et la pensée, en ce splendide lieu, dans chaque homme embelli gravaient les traits d'un dieu. Race angélique à voir, presque immatérielle. Leur fibre rose et pâle est expressive et belle. Comme un rayon du jour, leur teint jette un éclat de lumière fondue en un tendre incarnat. Leur sang vermeil et clair est une vive essence qui frémit sous la peau, court, pétille et s'élance. Mais dans leurs yeux surtout resplendit un foyer des flammes de l'esprit, tel qu'il peut défier un regard starien d'en fixer la puissance. Nos voyageurs surpris se tenaient à distance. Ils s'approchent. Déjà, ces humains merveilleux ont vu les Stariens et, s'avançant vers eux, ils parlent. Dans leur bouche, un rythme sympathique, un langage où toujours poésie et musique inspirent à l'instant des chants improvisés, traduit toute pensée en vers harmonisés. Dans un discours public, leur voix vibrante et claire ne voudrait se servir d'une prose vulgaire réservée à l'enfant quand, dans l'intimité, l'emploi des vers parlés est à peine accepté. De cette race artiste, admirable symbole, l'orateur est celui qui prête à sa parole le talent large et prompt d'un grand compositeur, la verve d'un poète et la voix d'un chanteur, qui, dans un chant rythmé, que le sujet nuance, improvise à l'instant mélodie et cadence. Les Stariens émus écoutent leur concert et suivent palpitant ces hommes doux et fiers, curieux de sonder leurs mœurs extra-humaines. Au fond d'une prairie où de pures fontaines distribuent alentour les plus tièdes fraîcheurs, un bouquet d'arbres verts suspend un ciel de fleurs. Dessous, comme un tapis, la terre est émaillée. Sous cette arcade à jour, entre des fleurs taillées, danse et chante un essaim de femmes de Le Sûr. On voyait s'élever d'un pied nerveux et sûr, se suspendre, flotter frêle, aérienne, ces sylphides de d'albâtre, âmes lessuriennes, dont la perle amolie aurait formé la chair. En voltigeant ainsi, leur voix jette dans l'air des chants qui vont au cœur, des chants dont l'harmonie traduit en doux frissons une ivresse infinie. 3. Les Stariens étaient dans un extrême ravissement. Conduits dans l'intérieur des villes, ils commencent alors à s'instruire des mystères de la vie de ce peuple. Le premier de ces mystères, qu'ils furent quelque temps à pénétrer, résidait dans les conditions organiques qui interdisaient aux deux sexes un rapprochement immonde. La génération et les voluptés qui l'accompagnent avait pour moyen de transmission un magnétisme sympathique dont la décharge combinait les forces vitales dans un même embrassement, dans un même amour. Du reste, l'enfantement avait lieu comme chez les Stariens. Ces circonstances physiologiques amenaient forcément la spiritualisation de l'amour des sexes. Mais cet amour avait besoin, pour s'exercer, de rencontrer l'individu sympathique de l'autre sexe. Les hommes, dès l'âge de la puberté, se mettaient à la recherche de la femme dont le fluide vital, dont les forces vives du sentiment, pouvaient entrer en combinaison avec les aspirations et les besoins de son être. La recherche était longue. Une seule femme, souvent, était organisée sympathiquement avec l'homme tourmenté du besoin d'aimer. Quelques-uns n'en pouvaient jamais trouver. Ils devenaient errants et mélancoliques. On comprend qu'avec ces conditions et ces difficultés, les mariages devaient se faire. Il ne faudrait pas dire, en dehors des idées de beauté, car les Lesuriennes étaient toutes belles, mais toujours au moins en dehors des idées de fortune. À l'usure, la nature est du reste toute de volupté et de sympathie. Sous ses cieux dorés, sur cette terre d'enchantement et au milieu de cette air parfumée, il passait quelquefois des ondées d'un fluide aux effets pénétrants, des courants d'un magnétisme voluptueux dont les vagues mystérieuses réjouissaient toute chair vivante et sensible. 4. C'est au jour printanier, quand un vent frais dans les halliers, des étamines d'or à la fibre amoureuse, vient répandre à flocons la poussière luxurieuse. Quand les fleurs naguère en boutons, sous le souffle expansif d'une chaude nature, étalent largement l'éclat de leur parure. Quand les quatre soleils opposés dans les cieux, des quatre angles du monde envoient croiser leur feu, aux plages de l'Eussure, parfois à fleurs de terre, passent des courants lumineux, un fluide inconnu traverse l'atmosphère. Cette tiède électricité, au doux ravissement, aux plus vives étreintes, livre le peuple transporté. Ses secousses, surtout, lui dardent les atteintes d'une céleste volupté. Alors ce monde entier s'ébat, palpite et vibre à chaque jet que pousse un courant sensuel. Et toute vie, alors, sent tressaillir sa fibre au transport délirant d'un spasme universel. 5. Il serait impossible de donner ici une idée, même incomplète, de la perfection des arts, et en particulier des arts reproducteurs de la couleur et de la forme. La peinture y était exercée avec un goût tel que les Stariens qui y avaient excellé, que Mundaltor le Nemsed, qui l'avait cultivée pendant le cours de sa longue existence, ne pouvaient se rassasier de contempler les prodiges picturaux des Lesuriens. Mais les merveilles de l'architecture lesurienne leur parurent mériter bien autrement encore l'admiration et l'étonnement. Outre la beauté et l'élégance attribuées à chaque monument en particulier, les Lesuriens combinaient la disposition de l'ensemble des édifices de manière à donner à leurs palais et à leurs cités, prises à un certain point de vue, un aspect séduisant et à en former un tableau bizarre ou grandiose, mais toujours plein de majesté et d'originalité. Pour cela, ils avaient l'habitude de construire leur ville en amphithéâtre, sur le versant d'un coteau ou dans un autre site pittoresquement disposé. Et là, avec des monuments, des aqueducs, des fleuves artificiels et des arbres placés avec art, ils y dessinaient un paysage, un tableau saisissant et fantastique. 6. Les Stariens, charmés des beautés de cette terre, demandèrent et obtinrent des Lesuriens l'autorisation d'envoyer des colonies pour peupler quelques contrées de ce monde. Le Sûr, d'une étendue double de celle du satellite Tassul, était proportionnellement moins peuplé. car les Lessuriens, avec leur nature esthétique, étaient peu féconds. C'est pourquoi, de retour dans Tassule, le récit des voyageurs fit noliser des flottilles d'abars qui portèrent dans le sur le trop-plein de la race starienne de Tassule. Ceux-ci multiplièrent à leur tour sous ce ciel fortuné. Des relations de tous les jours furent entretenues entre les deux globes au moyen des abars. Et la race de Ramzuel, au milieu de vicissitudes de moindre intérêt, crut et grandit. Ce ne fut qu'au bout de deux siècles que les Stariens de Lessure formèrent le projet de s'aventurer encore une fois dans des espaces inconnus, espérant trouver dans un nouveau globe d'autres merveilles et un aliment à leur curiosité. C'est pourquoi une escadre, montée par 500 Stariens de Lessure, gravit les cieux et alla débarquer dans Rudar, le troisième satellite de la planète starienne. Chapitre 3 Rudar 1 Lorsqu'ils furent à proximité de la terre de Rudar, le désir des Stariens, qui avaient espéré trouver dans ce globe des beautés égales à celles de Lessure, ou tout au moins de Tassule, fut désagréablement déçu. En descendant sur ce monde, les abars s'enfoncèrent dans une atmosphère brumeuse, où les Stariens perdirent bientôt la vue des astres. L'air ambiant de ce globe était constitué par une sorte de brouillard fuligineux, par une vapeur grise sans transparence, mais seulement translucide à la clarté du jour. Les Stariens, sortis des abars, pensèrent suffoquer en respirant cet air impur, et ce ne fut qu'après quelques heures qu'ils purent s'y habituer. Les cœurs de nos voyageurs se serrèrent lorsqu'ils examinèrent, dans l'ombre de ce ciel, la terre qu'ils avaient sous leurs pieds. Là, ni fleuve ni mer, mais un sol semé de lacs bourbeux et de marécages. Au ciel, une vapeur éternelle, et jamais, jamais ni azur, ni soleil, ni astres étoilés. Cependant, la végétation pleine de force étendait partout ses rameaux et ses feuilles d'un noir terne. Couleur uniforme, mais allant quelquefois jusqu'au brun ou aux nuances safranées. Quelquefois aussi, cette nature s'émaillait de fleurs blanchâtres où, dans les saisons hivernales, on la voyait saupoudrer tristement de flocons neigeux. 2. Dans l'air, une brume noirâtre jette son voile opiniâtre entre cette terre marâtre et des cieux toujours ignorés. Les eaux, de leurs fanges opaques, creusent partout de noires flaques ou de marécageux cloaques pleins de monstres blancs ou cendrés. Point d'arbre ici qui ne revête son tronc anguleux d'une crête. Sur les rameaux, la vive arête étend son angle universel. Nature âpre et sans teinte douce. De grands lichens, d'énormes mousses, voient leurs bras noirs, leurs larges pousses, se perdre dans la nuit du ciel. 3. La tradition conservée par les naturels rapporte qu'aux premiers âges, le ciel était sillonné de soleil, que l'air était pur alors, la terre fertile, et que la végétation aux vives couleurs arrondissait ses rameaux et ses feuilles. Mais dans la suite des temps, disent les Rudariens, le globe trembla sur ses bases, agité de convulsions, l'air se corrompit, les eaux éparpillées à la surface de la terre la couvrirent de marécages. Et c'est depuis ce moment que ciel et terre, astres et végétaux, se sont assombris. 4. Voici la description que les voyageurs stariens ont laissée des naturels de Rudar. Ces hommes, presque tous maigres, grands et osseux, sont doués d'une force musculaire considérable, et toute leur chair, comme desséchée et formée de fibres grisâtres, serrées et puissantes. Leur peau, uniformément argentée, brille d'un éclat métallique assez vif. Au lieu de cheveux, leur tête est recouverte d'écailles étroites, longues et luisantes, auxquelles les mouvements des muscles du crâne impriment un bruit analogue à celui que rendent les serpents à sonnette. Leurs yeux d'un vert émeraude ont la prunelle d'un jaune de feu et jettent une phosphorescence singulière. Du reste, leur caractère est triste et taciturne, car leur vie est une lutte acharnée et continue contre un danger que la nature a placé plus près d'eux, peut-être que des autres espèces humaines. Ce danger, c'est la mort. 5. La mort, déjà pour tous, c'est l'inconnu, le doute. Silence vaste et froid, nuit longue qu'on redoute. La mort, qui fait pourrir notre corps dans un trou, emporte encore bien loin notre âme, on ne sait où. 6. Eh bien, cette mort si cruellement réelle pour toutes les races d'hommes qui y succombent à la manière des Stariens est une réalité bien autrement terrible pour les habitants de Rudar. Chez les Rudariens, la mort est véritablement un être vivant et visible. C'est une espèce matérielle qui a la forme et le volume d'une vessie allongée, pourvue tout autour de son enveloppe extérieure de membranes ou de lames pendantes qui lui servent d'ailes. Ces êtres, qui n'ont rien de commun avec les autres êtres de ce monde, ni comme organisation, ni comme nature, sont pour l'espèce humaine et le règne animal l'ennemi dévorant et le tombeau de toute vie. Car le seul aliment capable de vivifier et de soutenir l'existence de ces morts est l'âme des hommes et les forces vitales des animaux, qu'ils ont la faculté d'aspirer, de sucer à distance en enflant leur peau musculaire. Rien que des âmes immatérielles ou des esprits vitaux peuvent les repaître et les sustenter. Quelques-unes de ces morts, errantes dans l'air brumeux de Rudar, préfèrent pour leur nourriture l'âme des enfants et des jeunes animaux. Celle-ci l'âme des femmes, d'autres, au contraire, l'âme et les forces vives des hommes au fier courage. Les unes aspirent la vie tout d'un coup, d'autres, savourant l'agonie de leur proie, sucent d'abord les forces de la victime, puis la laissent abattue pendant quelque temps, pour revenir bientôt dévorer son intelligence et garde son âme, enfin, pour un dernier repas. Les Rudariens, avec leur organisation aux fibres d'acier, eussent été immortels si les suppôts de la mort ne les eussent décimés à chaque instant. Néanmoins, pendant toute la durée de leur existence, la nature énergique des Rudariens est en lutte perpétuelle contre les objets de leur destruction. Les morts ne peuvent périr elles-mêmes que par le feu le plus ardent. C'est pourquoi les Rudariens ont inventé des armes qui, chargées d'un feu puissant, réussissent quelquefois à anéantir d'un seul coup les oiseaux des funérailles humaines. Quelques infatigables que les Rudariens se soient montrés dans une guerre de cette espèce, les morts auraient depuis longtemps dévoré entièrement la race des hommes si les Rudariennes, toutes multipares, n'eussent incessamment reproduit l'aliment du trépas et réparé les pertes de l'humanité par une prodigieuse fécondité. 7. Pourtant, ce monde plein de nuit et d'amertume est en fait parfois. Ainsi qu'en noir de brume, au jour des molles chaleurs, l'air s'est épaissi des vapeurs des lacs et que la nuit se fait encore plus sombre, on voit sourdre, du fond de ces marais sans nombre, de longs essaims de feux follets, verts, rouges, bleus et violets. La terre en un moment éclate illuminée, de ses feux colorés la mouvante traînée bondit et se joue en dansant. Les follets passant, repassant, entremêlent partout leurs couleurs enflammées et couvrent de clarté ces terres transformées. On dit que pendant les instants si courts où ces fleux tremblotants dans ce monde brumeux promènent leur féerie, on voit l'humanité, par la douleur meurtrie, oublier peines et combats pour se divertir aux ébats, aux lueurs des follets et, par troupes immenses, courir avec fureur se mêler à leur danse. Oh, ces fêtes, joie et amour, car pendant ces heures de jour, interrompant le cours de leur destin funèbre, les morts pleines d'effroi vont chercher les ténèbres. 8. C'est surtout au sein de ces tourbillons dansants et au milieu du délire de ces fêtes qu'on entendait chanter les louanges et les exploits d'Ourbatram, le héros des Rudariens. Oh, celui-là fut un héros, comme les autres races humaines n'en connaissent point. Ailleurs, ceux qu'on honore de ce titre l'ont ramassé dans des mares de sang humain. Ourbatram, lui, ne combattit toute sa vie que ces monstres aux ailes gluantes et multiples qui sont le tombeau des âmes pour les êtres de Rudar. On raconte que les oiseaux de la mort, qui, chaque jour, voyaient quelques-uns des leurs tomber sous ses coups, se réunirent en troupe pour l'attaquer et chercher à dévorer ses forces ou à sucer sa vie. Ourbatram seul lutta contre eux 100 jours et 100 nuits. Mais au bout de ce temps, vaincu par le sommeil, il s'affaissa sur un monceau de cadavres des monstres de la mort. Et ses forces vives furent aussitôt englouties et aspirées par les estomacs affamés des morts qui survivaient à leurs compagnes. La légende rudarienne affirme qu'à la suite des combats d'Ourbatram, la mortalité diminua chez les Rudariens, la mort étant devenue plus rare, jusqu'à ce que, les monstres funèbres ayant multiplié de nouveau, l'espèce humaine fût de nouveau décimée, comme elle l'est aujourd'hui. Mais, hélas, la terre de Rudar n'a plus de guerriers de la trempe d'Ourbatram. 9. Une fois la curiosité des voyageurs stariens satisfaite, ils s'empressèrent de regagner les globes de Lesur et de Tassul. Abandonnant le dessein qu'ils avaient pu concevoir, avant leur voyage, de fonder des colonies dans Rudar. Cependant, les récits qu'ils firent à leurs compatriotes sur les singularités de cette terre décidèrent plusieurs de ces derniers à traverser l'espace pour aller explorer une nature aussi étrange. Et aujourd'hui encore, Rudar reçoit tous les ans la visite d'un grand nombre d'étrangers des autres globes. Du reste, la venue et le contact des Stariens dota les peuples ténébreux de Rudar d'un bienfait inappréciable, en leur enseignant l'art de construire des abars. Ils ne purent toutefois, comme la race starienne, fuir par ce moyen leur planète livide et malsaine, car ils dépérissaient et mouraient presque tous une fois sortis de leur brouillard. Mais les machines éthériennes leur permirent de s'élever quelquefois aux limites supérieures de l'atmosphère de Rudar, et il n'était pas un seul d'entre eux qui ne se permit cette ascension, afin de pouvoir, au moins une fois en sa vie, jouir de la vue des astres et du ciel constellé. Chapitre 4. Ailier. 1. La découverte, ou plutôt le voyage d'Ailier, fut une tentative hardie, devant laquelle recula longtemps l'audace des Stariens de Tassul et de Lesur. Cependant, sa transparence et les effets de lumière qu'il renvoyait aux autres planètes sollicitaient puissamment la curiosité des voyageurs entreprenants qui avaient pénétré dans Rudar. choisissant donc un moment où la conjonction des globes rendait le trajet plus facile, 5 abares de grande dimension partirent de Lesure, vinrent toucher et se réparer à Rudard, et de là s'élancèrent audacieusement vers les régions éloignées où gravite Hélier. Ils avaient dû renouveler l'air respirable des abares dans l'atmosphère de Rudard. Mais cet air, plus épais et moins oxygéné que celui des autres planètes, se corrompit assez promptement pour causer de grands ravages parmi les équipages qui avaient entrepris cette navigation de long cours. Un grand nombre de voyageurs en moururent, et au moment où ils entrèrent dans l'air ambiant d'Hélier, ceux qui restaient vivants étaient sur le point d'être asphyxiés. Heureusement pour ceux-ci, l'atmosphère réparatrice d'Hélier vint promptement réchauffer leur poitrine et vivifier leur sang. Et ils débarquèrent encore, au nombre de plusieurs centaines, sur la terre diaphane qu'ils avaient convoitée. 2. Mais qu'ils furent affreux ces jours de traversée. Nos hardistariens, naufragés dans les terres, périssaient haletant après un filet d'air, comme le nautonnier, au calme de la mer, voit sécher par la soif sa poitrine oppressée. Les cadavres des morts sont, par leurs compagnons, abandonnés au vide, et, tels des moribonds, qui mesurent des yeux les abîmes sans fond, où chaque corps humain jusqu'à l'infini tombe, près de rouler lui-même en cette immensité, croit comprendre l'éternité par la profondeur de sa tombe. 3. Ceux qui n'imaginent la transparence que semblable à celle de l'eau et du cristal, voire même de notre air atmosphérique, se font une idée incomplète de la diaphanéité du globe délié. La propriété qu'ont les corps de cette planète de se laisser traverser par la lumière est égale à celle même de l'espace ou de l'éther le plus fluide. De sorte que, pour l'œil des stariens, les astres actuellement situés au nadir étaient aperçus à travers le globe délié comme si aucun corps n'eût été interposé entre l'observateur et ses astres. L'arrivée des abares, de ces masses opaques, effraya hors de toute mesure la race animale déliée, qui, de toutes les parties de ce globe, les aperçut flottant sur un des points de sa surface. En arrivant à Hélier, les stariens ne purent d'abord embrasser d'un seul coup l'ensemble des êtres et des accidents de cette terre. Le premier coup d'œil ne leur révéla que confusion et formes vaporeuses et indéfinies. Leurs regards, inaccoutumés à pareil spectacle, avaient besoin de s'habituer et d'apprendre à voir aux différents points du globe, car la réfraction de la lumière apportait, selon la densité, la position et la distance des objets, des effets dioptriques difficiles à saisir pour des yeux non exercés. 4. Plantes et minéraux, mers et vapeurs atmosphériques jouissent ici d'une transparence absolue. Les hommes et les animaux supérieurs seulement tranchent sur ce tout par la translucidité opaline de leur corps. Leurs yeux seuls, construits comme les nôtres, sont d'un blanc entièrement opaque. Les muscles de cette race humaine ont l'apparence des faisceaux fibreux de l'amiante. Le sang qui coule dans leurs artères est pareil à de la lymphe. Le sang veineux semble être du chyle ou du lait. Malgré cette carnation, offrant dans toutes ses parties l'aspect vitré d'une opale laiteuse, les hommes déliés sont grands, agiles et bien proportionnés. Les femmes, un peu plus petites, sont délicates et légèrement diaphanes. Ces mignonnes créatures, se jouant follement à la surface de la terre limpide d'Hélier, paraissaient aux stariens comme autant de sylphes gracieux balancés dans les airs. 5. Sur ce monde plus de couleurs, la teinte des objets ne rend plus la limite de leurs contours extérieurs. Par des tons de lumière, elle est ici décrite. L'œil ne découvre incessamment que mille formes pénétrables et poursuit successivement, à travers chaque objet de ces lieux perméables, aux regards exercés, ces explorations interminables, jusqu'aux profondes régions où la croûte du globe a ses fondations. Pourtant, en regardant le plan géologique, on voit que tout terrain n'est point achromatique, et que des bancs entiers, dans ses couches compris, reflètent en anneaux le charmant coloris, les teintes vives de l'iris. Ce changeant phénomène austarien explique ces éclairs colorés renvoyés dans l'éther et qui font à distance admirer l'hier. Mais, nous l'avons dit, l'Estarien ne put refaire connaissance avec les mystères de ce monde transparent que par degrés et après y avoir été initié par une longue étude et beaucoup d'attention. Les indigènes, accoutumés à sonder de leurs regards les profondeurs de l'espace et la masse solide du globe, distinguaient merveilleusement, soit à l'œil nu, soit avec des lunettes, tous les phénomènes intérieurs ou extérieurs qui s'accomplissent au sein de la Terre ou à sa surface, dans le règne minéral ou au milieu de la nature organique. Dans cet ensemble formé d'êtres et d'objets variés à l'infini, et tous d'une transparence parfaite, c'est la différence de densité des corps qui, pour l'œil habile des Éliériens, dessine les surfaces. Avec une extrême habitude, ils savent saisir d'un coup d'œil les formes de chaque chose, et ces formes, elles-mêmes pénétrables, n'empêchent nullement leur regard d'embrasser à travers les surfaces, à travers les formes les plus proches, c'est le décor que les premiers viendraient masquer si ceux-ci étaient opaques. Ainsi, l'habitant d'Ellier, qui, du haut d'une montagne, porte au-dessous de lui ses yeux explorateurs, aperçoit d'abord à la surface du sol des forêts, étalant par touffes épaisses une couche de végétation diaphane, et, tout en disséquant de l'œil chaque arbre et chaque brin de mousse, il ne lui est pas moins facile d'étudier, tout aussi distinctement, les couches superficielles et profondes de ce point de la Terre jusqu'au centre. Et ses regards même, traversant l'épaisseur totale des liés, peuvent, au moyen d'un télescope, examiner les édifices d'une ville située aux antipodes, si toutefois ils ne sont pas forcés de se baisser devant les rayons d'un soleil flamboyant au nadir. 7. Quand les Stariens voulurent s'héberger sur ce monde, ils se trouvèrent extrêmement mal à l'aise dans les demeures des Éliériens, dont la diaphanéité non seulement contrariait leurs habitudes, mais encore froissait leur pudeur dans les circonstances honteuses de la vie commune. Ils se construirent donc avec les abars, en guise de muraille, une vaste maison qu'ils recouvrirent de toiles et dont ils garnirent l'intérieur de tapis. 8. Les Stariens, campés sous cette tente obscure, reçoivent chaque jour des hôtes bienveillants un pain limpide et clair comme l'eau la plus pure, des vins décolorés et des fruits transparents. Le feu vint à manquer. Ils vont à la clairière détacher les rameaux d'un puissant végétal et la flamme visible, un rayon de lumière, jaillit en pétillant de ce bois de cristal. Ces hommes déliés à la pâleur d'opale, pleins de douce bonté, de franchise amicale, comblaient nos voyageurs de générosité. Au camp des Stariens, pleuvait de tous côtés de riches vêtements d'une étoffe de glace, drapant son clair vernis avec éclat et grâce, des bijoux, des brillants, des meubles cristallins, des sculptures d'agate et des fleurs des jardins. Fleurs plus qu'un diamant de lumière éclatante et comme un jet de flamme au grand jour scintillante. 9. Évoquez maintenant les habitants ailés de l'air ténu et presque impondérable d'Ellier et toute une création invisible de grands insectes, d'ornithosaures, d'animaux membraneux, d'êtres non consistants et monadaires, que sais-je, de vapeurs, d'effluves qui s'agitent démesurément autour de vous, va vous répondre par des cris, des bourdonnements, des frôlements d'ailes et des attouchements incompris. Quand vous entendez remuer et gazouiller à vos côtés tous ces sylphes de l'air, vous cherchez du regard, et à peine percevez-vous quelquefois le sillon que laisse sur vos têtes comme une flèche de vapeur moins qu'un trait d'ombre. Les êtres animés dont cet air est rempli, à cause du peu de matérialité de leur organisation, sont les seuls que les yeux des Éliériens n'aient pu soumettre encore à leur examen. Aussi, après quelque temps de séjour à Élié, les Stariens disent-ils que l'air leur semblait peuplé de rêves. Car vraiment, pour les habitants d'Élié, savoir ce fut voir. Armés de la loupe et de la lunette, ils avaient porté l'étude des sciences naturelles à ce point qu'il était peu de mystères organiques dont l'évolution n'eût été surprise par eux. Heureux observateurs qui pouvaient assister de visu à la plupart des phénomènes naturels d'organisation et de décomposition. L'état des mœurs des Éliériens dérive entièrement des conditions physiques dans lesquelles la nature les a placés. La vertu et l'austérité sont commandées et nécessaires à des hommes dont leurs semblables, d'un bout du monde à l'autre, peuvent voir à chaque instant les faits et les gestes. La dissimulation serait trop rigoureuse. Aussi, le vice et la pudeur leur sont également inconnus. Hommes de la nature, ils sont aimants et affables. Leur caractère, animé de penchants doux et humains, souffre difficilement la vue de la douleur et du mal. Et comme tous ont les yeux sur chacun, il n'est nul malheur qui ne soit consolé et nul danger qui ne soit secouru à l'instant. Entre tous ces hommes, la loi naturelle a fait la solidarité complète. D'ailleurs, par une faculté singulière, mais qu'explique leur habitude de tout voir et de tout connaître en leur monde, ils sont doués d'une sorte d'entendement commun, d'une logique de sympathie qui peut passer chez eux pour une conscience universelle. C'est pourquoi l'opinion et la foi s'établirent toujours parmi ces peuples sans contradiction, sans discussion, et pour ainsi dire unanimement et par intuition. 10. Les voyageurs furent charmés de l'hospitalité des enfants d'Élié qui les aidèrent complaisamment à satisfaire leur curiosité. Les Stariens, à qui la monotonie de cette planète avait déplu d'abord, trouvèrent à la fin dans ce globe et dans l'examen des mystères de cette nature une source de plaisir inépuisable. Et la monotonie primitive fut changée pour eux en une variété sans bornes que l'habitude de l'observation augmentait à tout instant, en prolongeant pour le regard plus assuré et mieux instruit l'immensité de la perspective. Cependant, une rumeur vague dont ils avaient été bercés avant leur départ de Lesure reportait incessamment leurs pensées vers leurs frères des satellites inférieurs. L'idée du retour de toute l'espèce starienne sur la planète mère germait depuis longtemps dans le peuple. Ils se hâtèrent de regagner Lesure et Tassul pour être compris eux-mêmes dans cette expédition et prêter le secours de leurs bras à toute la nation starienne qui allait peut-être combattre pour ses anciennes possessions. Chapitre 5. Les Abares. 1. 8 siècles s'étaient écoulés depuis la mort de Ramzuel. Les Stariens, répandus dans Tassul et dans Lesure, avaient multiplié de manière à surpasser en nombre les races indigènes de ces planètes. Cependant, une espérance inquiète ou un instinct secret les avaient empêchés de regarder comme définitif leur établissement sur ces deux terres. Au contraire, le souvenir de leur patrie primitive, entretenu et perpétué parmi eux, parmi les ouvrages descriptifs de Cosmael, les tableaux vivants de Muldaltor et surtout les admirables poèmes de Seelevelt, écrits depuis la fuite de Ramsuel, leur inspira à la fin un regret inextinguible. Les Nemsed, qui ne s'étaient presque jamais quittés et qui étaient, selon l'expression des Stariens, les trois facultés d'une même âme, résumaient pour la race exilée toute science et tout souvenir. Pendant tout le temps que dura le séjour des Stariens dans les satellites, ils furent les patriarches et les directeurs arbitres du peuple. À travers mille dangers, ils avaient conduit d'âge en âge l'humanité starienne à une prospérité parfaite. Mais, pensant n'avoir point terminé leur œuvre régénératrice tant que la nation entière n'aurait point repris possession du monde natal, ils s'efforçaient d'entretenir dans l'esprit du peuple le désir et l'espérance de reconquérir Star. Depuis un siècle déjà, les Stariens croyaient à chaque instant entendre sonner l'heure du départ. Un chant d'espérance, un hymne empreint d'un amour attristé pour la planète dont le disque les couvrait de ses vastes proportions, était depuis longtemps chanté sur toutes les plages de Tassul et de Lesur et dans l'espace intermédiaire sillonné par les Abars. Et ce chant, attribué à Seelevelt, avait tenu en haleine la pensée du retour. 2. Hymne de Seelevelt. Dans les champs de Tassul, couverts des moissons blanches, du grave hermaphrodite, aux stariens souvent, quand mille oiseaux brillants font chatoyer les branches, ton regard dans l'espace erre et cherche en rêvant. Notre terre patrie est plus riche et plus vaste. Star sourit à de plus beaux cieux. Là-haut, notre bonheur attend, fidèle et chaste, sur le berceau de nos aïeux. Cours à ces bois fleuris, que le sûr t'abandonne, écoutez les concerts d'un peuple d'inspirés. Ces lieux sont parfumés, un doux fluide y donne des jets de volupté pour tes sens enivrés. Mais la terre patrie est plus riche et plus vaste, Star sourit à de plus beaux cieux. Là-haut, notre bonheur attend, fidèle et chaste, sur le berceau de nos aïeux. Dans la nuit de radar qu'un voyageur explore, ses morts, ses feux follets et ses hommes d'airain, ou qu'emportés plus loin vers la terre incolore, ils sondent les secrets d'un monde cristallin. Va, la terre patrie est plus riche et plus vaste, Star sourit à de plus beaux cieux. Là-haut, notre bonheur attend, fidèle et chaste, sur le berceau de nos aïeux. 3. Ce fut dans ces dispositions d'esprit que les trouva l'homme au génie immortel qui parut alors. Cet homme s'appelait Marulkar. Distingué dès son jeune âge par Cosmael, il étudia d'abord avec lui la médecine et les sciences. Mais devenu bientôt également l'ami des deux autres longévites, il fut l'élève préféré de tous trois et, comme il le disait, leur fils par l'esprit et la science. D'après le conseil de ses pères spirituels, il résolut d'employer son active puissance morale et sa persévérante énergie à s'adonner exclusivement au projet qui occupait alors toutes les imaginations et tous les courages. Marulkar, désigné au choix du peuple par les Nemsed, qui abdiquèrent le pouvoir dans ses mains, fut élu directeur de sa nation dans les deux globes. C'était un ordre du peuple qui lui commandait de travailler sans relâche à une descente générale des Stariens sur la planète mère. Les préparatifs durèrent 10 années, pendant lesquelles Marulkar, 20 fois près de succomber sous l'immensité de sa tâche, l'impatience du peuple et les calomnies des factions, ne put continuer son œuvre que par l'actif appui des Nemsed. Enfin, la 800e année du séjour des Stariens dans les satellites, au jour anniversaire de l'arrivée de Ramsuel à Tassul, deux flottes, composées d'un innombrable essaim d'Abar, partirent en même temps de Lessure et de Tassule, et vinrent se joindre dans l'éther aux limites supérieures de l'atmosphère de Star. 4. Un million de nefs flottaient dans l'étendue, et leur traînée immense avançant, suspendue, semblait la voie lactée, en marche et descendue. 5. Ils voguèrent 2 jours dans un ordre parfait, mais leur course aussitôt fut troublée. En effet, en plongeant plus avant au sein de l'atmosphère, la flotte ramassée, un mouvement s'opère. Quelques nefs en tumulte accourent se heurter. Ces abats rebrisés vont se précipiter sur les rangs de dessous. Alors, de proche en proche, chaque abat en tombant brise, écrase et décroche la ligne des vaisseaux que sa chute décrit. Tout un monde de voix jette le même cri. Chacun veut se garer et le désastre augmente. Ah, c'était un spectacle à rugir d'épouvante. La race humaine entière était là, se broyant, dans des cieux agités d'un désordre effrayant. Marulcar, de l'avant, voit sombrer la colonne. Sa main commande, halte, et son drapeau l'ordonne. De loin, les Stariens ont compris ce signal. C'est l'immobilité, dans cet instant fatal, qui doit sauver la flotte. Aussitôt, tout s'arrête, et le calme des cieux succède à la tempête. Mais l'essaim migrateur, remis de son effroi, a refait sa spirale, et l'immense convoi descend en tournoyant vers l'astre héréditaire. Quand l'œil des Stariens put distinguer la terre, l'angoisse avait fait place à des transports touchants. Des millions de voix répétaient ces vieux chants. Oui, la terre patrie est plus riche et plus vaste. Star sourit à de plus beaux cieux. Ici, notre bonheur attend, fidèle et chaste, sur le berceau de nos aïeux. Fin du 3e livre.